Cantique Chorale Seulement, numéro 224, plus près de toi, mon Dieu. est près de lui, tout va mieux. Rassuré. Soutenu et sécurisé. La paix à sa raison d'être. La joie à son vrai sens. Le bonheur devient royal. Et Dieu lui-même est si royal. Sa parole devient royale. Car il est l'auteur de ce que nous croyons. Et de ce que nous lisons dans sa sainte parole. Est-ce qu'il garde nos esprits, nos âmes plus près de lui? Toujours près de lui comme les frères d'autres fois. Il est Dieu fidèle. Que nos cœurs ne faiblissent pas. Qu'il ne défaille jamais. Qu'il soit si fort chaque fois. Pour avoir le courage. De retourner dans sa présence. Même s'il y a eu des trébuchements. Il y a eu des faiblesses d'un genre. Une manière de voir qui a été erronée. Mais ayons le courage. Revenir dans sa sainte présence. Gloire à nos prières. Gloire à ce que nous le disons. Gloire qui nous écoute. Gloire qui les répond. Gloire qu'il agit toujours. Lui qui n'est pas injuste. Dieu est très juste. Fidèle. Dieu puissant. Notre Père bien-aimé, merci pour ce soir, de la grâce que tu nous accordes, de nous tenir près de toi, de nous approcher de ta présence, du trône de ta gloire, et avec assurance d'être entendu, et dans les différents besoins être secourus, dans les différentes maladies être guéris, dans les différents problèmes trouver solution, même les problèmes qui nous dépassent, pour lesquels nous n'avons ni idée ni solution, et auprès de toi tout se trouve, Seigneur, tu sais comment nous soulager, tu sais comment nous décharger, tous les fardeaux encombrants et gênants. Tous les fardeaux pesants qui nous écraseraient. Tu sais comment les ôter, Seigneur, et nous alléger. Nous venons à toi avec foi pour que tu changes l'église. Que nous devenions ce que tu veux que nous soyons. Parce que ta parole a le pouvoir de transformer. Travaille sur chacun. Unis ensemble nos cœurs. Et fais un seul cœur. Que nous soyons identifiés à nos précieux frères du commencement. L'église du début. Nous soyons un seul cœur. Une même âme. Père, nous y croyons. En ce temps de restauration. Alors que ta venue est proche. Puisse vaincre tous les ennemis pour nous. Et nous exercer à cette victoire. Pour la conserver chaque jour et partout. Et que l'honneur revienne à toi, le Dieu des promesses. Que le monde croie. Que Jésus-Christ est l'envoyé du Père et que sa mission est un vrai succès, une réussite incontestable et une victoire insurmontable. Exauce-nous, Seigneur. Nous comptons sur le sang. Rien d'autre que le sang d'Emmanuel, le sang de Jésus-Christ a déjà coulé. C'est pour nous faire atteindre le but, nous amener au résultat de Dieu. Purifie-nous complètement par cette cellule brisée du calvaire. Vérifie chacun complètement. Rends-nous plus blanc que la neige. Agréable devant le grand Dieu. Et le Dieu saint est parfait. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et croyons. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Malachie au chapitre 4. Le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Élie akobongola motema na batata epai na bana mpe motema na bana epai na batata na bango ete na ya pe na beta mokili na ekweli mabete. Acte des apôtres chapitre 4 misala na bantoma mokapo ya minei le verset 23 à 32 mulongo ya kotanga tukumbele na misatu kino na tukumisatu na mibale. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette émulte parmi les nations et ce vaine pensée parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués comme contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. En étendant ta main. Amen. Pour qu'il se fasse des guérisons, Amen. Des miracles. Amen. Et des prodiges. Amen. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, Amen. Mais tout était commun entre eux. Amen. Esila ki bango kopesa manzela, bakei epai na bato na bango penza, pe basangeli makambo nyoso malobi banganga minene na mikolo na mboka. Yoka ki bango bongo, batomboli mingongo epai na nzambe na motema moko, mpe balobi ete, mokonzi munene, yo osala ki likolo na nse, na mai, na biloko nyoso bizali na kati na yango. Olobaki na monoko na Dawidi mosali na yo, tata na biso, nanzela na molimu mosantu ete, bapakano bangali mpe bato baluki mayele na pamba po na nini mikonzi na mokili babelemi mikolo bayangani kotelemela nkolo mpe Kristo na ye mpo ete bayangani solo na mboka oyo epai na Yesu mosaleli na yo mosantu oyo yo opakolaki Elode na poto Pilate na bapakano na bato na Isalele elongo bayangani kosala nyonso endimaki loboko na yo na mokano na yo na liboso ete Eko salema, mpesa sa ipi nkolo, tala makanisini na bango, pe pesa baombo na yo nzela ete, basolo la liloba na yo, na mpiko nyoso. Nanu ezalaki, yo kosembola kaloboko na yo mpona, kubikisa mpe mpona kosala bilembo na bikamu iseli, na kombo na mosali na yo, monsantu Yesu. Ezalaki bango kolomba, esika, yanganaki bango, eninganaki. Bango nyoso batonda misamaki na molimu mosantu pe molende basakoli liloba na Nzambe. Ebele na bandimi bazalaki na motema moko mpe na likanisi moko. Soko moko na bango azwi biloko atangi yango biloko na ye penza te kasi biloko nyoso bizalaki na bango na lisangana. Kadjo bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une profonde méditation de la parole que nous voulons partager ce soir en guise d'exhortation avant de nous séparer. Alors que l'occasion était d'or pour nous, une occasion si merveilleuse de pouvoir nous incliner devant Dieu, lui adresser nos prières et nos supplications, nos requêtes et différentes demandes, formuler différents besoins, exprimer nos attentes, les idéaux que nous voulons atteindre. Alors, la réunion ne serait pas complète de la parole n'est pas lui. Alors nous allons dire quelque chose sur la parole au sujet de l'église priant d'un seul cœur. L'église de Dieu priant d'un seul cœur. Et c'est la prière que nous venons de lire ici. Donc depuis dimanche et hier mercredi, nous sommes en train de commenter le verset 32 des Actes des Apôtres chapitre 4 qui disait que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que ce bien lui appartenait à toi, mais tout était commun entre. Donc cette révélation biblique, cette vérité fondamentale que Dieu avait incrustée dans les siens, dans son âge, et dont le témoignage est resté au cours des siècles parce que nous continuons à les lire dans la Sainte Bible jusqu'à présent et nous les lirons toujours tant que la parole demeure. Cette vérité ne sort pas du néant. Remarquez qu'avant de conclure ce qui est conclu là-bas, pour établir que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ce qui est une vérité intermédiaire avant de chuter après ça dans la deuxième partie du verset qui dit nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Ça c'est la conclusion de la pensée. Donc ça chute dans les biens matériels. Les biens matériels, on voit les maisons, les vélos, les motocyclettes, les motos elles-mêmes, les véhicules, les maisons, les parcelles, et les biens. Donc, on peut avoir un bateau, on peut avoir un avion, un hélicoptère, on est croyant, on est chrétien. Là, ce sont des biens matériels. Une voiture, une dip, un camion, un train même. On peut avoir tout ça. Une grande concession, une plantation. Des hectares et des hectares qui produisent beaucoup. Ce sont des biens matériels. Alors, personne ne disait que c'est bien lui appartenait. Mais tout était commun entre nous. Avant de tirer cette conclusion-là, il y a la vérité qui est dans la première partie du verset 32 ici. La multitude de ceux qui avaient cru, cette multitude n'était qu'un cœur. Et qu'une âme. Donc, personne ne s'est retrouvé par hasard en train de dire que ce bien ne lui appartient pas en propre. Et aucun d'eux ne s'est retrouvé dans un forcing ni sous un dictat de quelqu'un qui lui disait, frère, il ne faut pas être ceci, tu dois mettre tes biens au service des autres. Non. Dieu lui-même a réalisé cela en faisant un travail de fond à l'intérieur des âmes. Dieu a travaillé d'une manière inouïe. Et il a fait des choses terribles qui ont rapproché leur cœur par la grande puissance du Saint-Esprit et qui les a amenés à une sorte de vie commune qui n'était ni un dictat d'un prédicateur, ni une sollicitation d'un pasteur, ni une exigence d'un apôtre, mais c'était Dieu en eux ayant réalisé un grand travail que l'homme ne peut pas faire, que l'humain ne peut pas réaliser. Dieu, le Père des esprits, qui peut coordonner les esprits à ce point-là. Il y a que lui qui a l'autorité indiscutable sur les esprits. Et Et si même les chrétiens peuvent avoir une quelconque autorité, il a fait un travail en amont. Et nous ici, ça fait partie de l'évangile. Mais regardez, quand ils ont commencé l'église, bon, ce n'était pas dit comme ça. Quand ils se réunissaient d'un seul accord, ils ne s'étaient pas dit aussitôt que tout cela était un seul cœur. Et qu'ils mettaient tout en commun. Au contraire, quand ils écoutaient Jésus lui-même prêcher encore sur la terre, Jésus leur avait dit qu'il n'y a personne qui, à cause du royaume de Dieu, aura quitté son père, sa mère, ses terres, sa maison, ne puisse retrouver au centre dans le ciel présent. Alors, mon côté, il y a Tiki, ma belle, naïe, bandako, naïe, tata, naïe, maman, naïe, na biloko, naïe, nyonso. Il va retrouver dans ce siècle ici des pères, de maisons, des pères, des frères. Bandeko. Et dans le siècle à venir, koya, il aura la vie éternelle. Dans le siècle à venir. Mais ici, parce qu'il a cru, il a abandonné les siens. Il retrouvera cela au centuple dans le siècle présent. Oh mes chers amis, voyez que là, ce serait pour lui. Le Seigneur dit que ce serait pour lui. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Bobali, tata, bilanga, pona kombo nangai. C'est la parole qui dit ça. Il retrouvera, il, lui, l'individu, tout ce qu'il a perdu, des terres, des maisons, des frères, des sœurs. Il va recevoir, lui va recevoir. On ne dit pas l'église va recevoir. Mais lui, l'individu, va recevoir. Fois 100. Et puis il héritera encore la vie éternelle. Allons dans Marc chapitre 10. Voyons les détails de cela. Parce que Matthieu les donne en comprimé. C'est comme un comprimé. C'est concentré. Détaillons un peu ça. Donc dilue un peu le comprimé dans l'eau. Pour voir les détails de cela. De quoi il est composé. On lit ici dans Marc chapitre 10, verset 28. À 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pestelo, à l'obinaye été, talabiso, nous avons tout quitté. Bon, on retire rapidement. Donc, on a souka na babo na kaka boy, il gono na yo. Toti ka na biso nyoso. Obanda ko le bato kenebe. Toki. Toki ne bilan. Toki. Toki ne pêche. Toki. Toki ne retire. Toki. Bon kenebe. Toki ne. Tosa na elo kote elo kote. On retire rapidement boy. Toko souka boni yo. Babo ta na biso ko le bato na biso nili. Bon kenebe landa vasirie mo boy. A komi se bino souka na babo la. C'est ce qu'il voulait dire en notre père. De o ya linga gile koloba. Et Jésus a compris. Alors il répond. Quand vous avez une préoccupation, un besoin, et que vous le formulez, Jésus vous comprend. Et il connaît la meilleure réponse à vous donner. Et par sa parole déjà, c'est aussi une réponse. Pour alimenter ta foi. Pour te donner la force nouvelle dans la marche. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Regardez bien. Présentement dans ce siècle-ci. Non pas à l'au-delà. Il ne s'agit pas de l'après ta mort. La parole n'a pas dit ça. Les détails du Seigneur c'est ceci. Tu reçois ce que tu as quitté, croissant. Dans le siècle présent. Alléluia. Amen. C'est dit clairement et c'est en vérité, vérité absolue. Alors, Pierre, il t'a représenté. Il est temps de manifester notre foi. Réclamer des choses en prière. Ne vous inquiétez de rien. Ne pas connaître à Dieu vos besoins. Pas de prière dans la réputation. Si ces besoins sont relatifs à cette promesse, n'ayez pas honte de demander. Demandez clairement ce que vous voulez. Ne commencez pas à tourner autour de la religion. Dieu va me voir charnel. Dieu va penser que... Et quand Jésus disait ça, il était charnel. Quand il disait que tu vas recevoir ça, il était charnel. Toi, tu vas devenir plus spirituel que lui. À cause d'une religiosité débordante. Tu fais tout spiritualiser. Même là où la parole est claire, tu peux spiritualiser. Ça ne veut pas dire dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est l'essentiel. On est dans les siècles présents. Mais c'est le Seigneur. Le même qui a dit en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le même. Il dit, chaque chose à sa place. Chaque promesse à sa valeur. Il n'est personne. Ceux qui pensent au long au tiki. Naboso le président Bayebi au tiki. Au sondolande, le colonnaye, fait le colonne à Sangomalamoy. Nicolas message oyo ko bangelo kote amen o bungisi wana oyo sundoli wana e konzongela yo fasa mala bokama na kata lilita te me awa na se amoi amen o centuple mala bokama ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Il dit même dans ce siècle-ci. Et Mugilo ya yo tangeli makamboyo. Panda oyo zo tanga makamboyo. Na Mugiluano zawana. Nde zambe akope so fasa. Manifestons notre foi. Brisons les barrières. Amen. Enlevons les obstacles du chemin. Offrons l'incrédulité. Des murmures et des plaintes. Croyez Dieu et réclamez vos droits. Ils les reçoivent vos centuples dans ce siècle-ci. Et il dit présentement. Présentement, au temps présent, dans sa vie présente, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. persécution na makambo wana. Le monde ne va pas se laisser tranquille. Et le monde est sur ma terre. Ce sont des plaintes et des procès à gauche à droite. Et il est demandé bongo. Il est l'homme qui a jeté. Amen. Pourquoi la bénédiction l'éternel enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui. Quand Dieu t'a béni, il n'y a pas de chagrin qui sont plus grands. Il dit tu auras des persécutions. Ah ouais, le bien c'est mignon que ça là. On t'aura des fois. Là où les païens entre eux, ils se la coulent belle, hein? Ils sont à l'aise, ils prospèrent, ils prennent les verres de champagne. Et toi, des fois, tu dois te questionner. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi seulement moi? Oh mon Dieu, oh, il a dit avec des persécutions. Tout cela vise à former ton caractère. À ne jamais te fier aux apparences. Mais te confier en Dieu de tout ton cœur. Et Dieu qui t'a donné saura te défendre. Et il te donnera victoire. À sa manière à lui. Vous croyez ça? Il avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parce qu'ici sur terre, on est mortel. Nous sommes toujours sur la terre, on l'a dit. Nous sommes passagers sur la terre. Mais dans le siècle à venir, dans le monde à venir, là on n'attend pas des maisons, des terres, des bâtiments. Ça, Dieu les donne déjà ici. Là, on a osé le bon mengo à bandoukité, c'est le mangan à boutou. Que Dieu me les donne ici. Si il a quelque chose à me donner, qu'il me donne ici. Namukilo koya kuna. Et vous comme ma kamboya vie éternelle. On entend parler pesigoyo, bon réalité, vie éternelle na bon zambé. Awa wanasawa. Sugi fondako. Naya posanako. Zamba, kuma kite ke tuza malukate la vie. Et ça verset biblique. Non, si pour moi, moi, oh, ce sont les choses du monde. Oui. On n'a pas refusé, ce sont les choses. Mais Dieu les a aussi promis. Si vous commencez à nier ça, alors effacez ce verset. Si tu transgresses quelque chose, Dieu va retrancher aussi. Si tu as dit que la Bible est un peu plus grand. Si tu as dit que la Bible est un peu plus grand, tu as dit que la Bible est un peu plus grand. Tu as dit mais frère Branham m'a dit que si vous bâtissez votre maison, bâtissez-la jusqu'à ce que l'appel sonne, vous allez monter. Locataire. Vous foutez bien. Vous offrez à ma fille, vous avez une chambre, salon. Vous avez une boutique. Vous avez un salon. Vous avez une chambre. Une petite chambre, salon. Vous avez 4 au salon. Mais vous avez un moment où il y a 40 000 dollars. Vous avez un peu de monde là. Vous avez un moment où il y a full option. Et là, vous avez une chambre. Peinture, il y a 6 cas, il y a poteau, il y a Audi. Bon, qu'il nous a l'air en place, nous pas là. Mais est-ce que, monsieur, tu es sérieux? Où nous voyons le problème? Nous sommes là pour comment on est à Liban. Et puis, aucun n'est pas à Koulouganda, qu'on fout de là, va y être pas serré. Parce que, en tout cas, on a zoagaté. Regarde comment tu te retrouves ridicule. Nous, tous les années, garage, comme nous avons la police, va piner, comme nous avons la bougeon, va zoagaté, on va boutou boutou. Et on va voler, même des fois, va clignotant. Oui, bon, on va binda. Et des fois, moutou gango, outi kada gango fongola, na boutou et comme hôtel y'a bandumba. Oui, ce que vous faites, apprenons à être correct. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Et tu vas dans la limana ou tu kosala. Bon, mais on a quand on change la mamie, tu kapo batouamon ayo. Bala, non, place au fan, on a l'adresse de, pour y'a mouyo gassoni. au bas comme ah on a pas d'accord ah comment on a mutu ah non tu vas l'aider mutu kaka aïe on a les qui comment grand prêtre prêtre mais c'est pas sérieux frère cette quinoiserie doit finir elle doit cesser parmi nous et c'est si qu'on a nous quatre rabissons soyons corrects dans la sembo Dieu a dit de terre. Des maisons. Des frères. Pas des camarades, mais des frères. Des frères. Alors nombreux. Et vous êtes un corps. Présentement dans le monde actuel. Tu as ça. Dans le monde à venir, la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Maintenant, quand les chrétiens ont entendu ça, Pierre a reçu la consolation, et aussi ses compagnons qui étaient là. Ah, oh, Pierre, merci vraiment que Dieu te bénisse. C'est peut-être le ticket de moi, j'avais un surprenant. Il pouvait peut-être blâmer. On allait se retrouver ridicule. Pierre, courage, courage. Oh, Pétro, Dieu lui a confié la direction de l'église. Un courageux. Quand il fallait dire oui, c'est oui. Il n'est pas d'accord, il ne va pas cacher ça. Il va dire il n'est pas d'accord. Ah, on a des frères des autres catégories dans l'église. D'autres qui sont des Milangi à Pembe. Il ne va pas parler d'eau de la cuillère. Il va dire des choses comme il dit. Si cela blesse, que ça blesse. Pardonnez-moi. Mais je ne peux pas le dire autrement. Nous devons nous supporter. Pas nous plaindre les uns des autres. Si vous trouvez qu'il est faible, priez pour lui. Dieu lui donne ce que toi tu vois qu'il lui manque là. Et Dieu exaucera ta prière et ton plein progressera. Amen. Alors, au tout début là, quelqu'un pouvait penser qu'il prend ça pour lui. Mais plus tard, quand Dieu a fait le travail de fond dans l'esprit et le cœur des croyants, alors là, personne ne disait que c'est bien. Et dit, c'est pour le royaume. C'est à cause des royaumes de Dieu que nous avons ceci. Et nous sommes passés sur la terre. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en apporterons rien. Alors, le frère qui n'a pas peut aussi en jouir. Et c'était la loi de l'égalité. Comme au temps d'Israël avec la manne, la même loi est revenue spirituellement et le christianisme prospérait comme cela. Ici dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'écriture dit ceci, à 15, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nzambi, ce qui me posa ezali, likambo ekoyamba mpela moko na biloko bizali na moto. Nde pela moko na biloko bizangeli yete. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, amen, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Na lobi bongo te eti ba mususu ba pema mpe binobo tumulama. Ne pona pokanisa likambo bozwi na bino na ntango oyo ekosunga kozanga na bango eti bozwi na bango bosunga kozanga na bino. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Et pona ko zonabino ezali dikolo et comme la bangona ntine te bosa na lolenga lako. Selon qu'il est écrit, pela moko e komani eti. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'a manqué pas. Mwe oyo alokota ki mingi atikala ki na elokote. Mpeye oyo alokota ki moke azanga ki mpete. Personne ne pouvait gaspiller. Le surplus devait subvenir aux besoins des autres. Regardez, il n'y avait pas quelqu'un qui n'avait que les dons de recevoir des autres et qui ne devait rien donner. Dans la loi de l'égalité, chacun donnait ce qu'il pouvait. Et nous mettait cela ensemble dans l'amour fraternel. Et c'est ça l'évangile. Personne ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Et ça, c'est une conséquence d'un travail en amont. C'est un seul à plus réaliser pour unir leur cœur. Retournons à Acte 4, chapitre 4. Il est dit ceci. Verset 34. Acte 5. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Qui lui ne serait là que pour demander et recevoir des autres. Il n'y en avait pas dans l'église. Tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons les vendaient. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons. Ba onyoso bazalaki na bilanga. To na bandako. Ce n'est pas celui qui avait une seule et unique maison. Ils allaient mutu zaki na ndako bele moko. Il y avait un seul et unique champ. To ilanga obele moko. Il les vend pour les mettre en commun. Et bazalaki. Ce n'était pas ça. Ils allaient bungoti. Mais ceux qui avaient des champs pluriels. Oh bazaki na bilanga. Ou des maisons pluriels. Ndako bandako. Ils vendaient le surplus. Ba bandako tek sa oyo ba bandako ko vendela. Attendant le retour de Christ. Na ko sala ka bo somme de Christ. Et on mettait ça en commun. Et ba ici. Êtes-vous là? Vous allez voir. Mais celui qui n'a pas de maison va vendre quoi? Ouais, ça n'a pas de quoi. Lui peut avoir un vélo. Y a qui vous allez vendre? Ou trois vélos. Tout va. Il vend des autres. Ah, tout qui va aller. Ah, bon, bon, bon. On prend le reste, on met ensemble. Et t'es assis, ba t'es longo. Voyez-vous comment ils vivaient? Parce que Dieu a fait un travail en amont. Un travail spirituel de profondeur. Qui a amené à ces résultats dans les domaines physiques et matériels. Et le même Dieu a promis la restauration de tout. N'ayez pas peur de ça, nous devons arriver là. Non pas qu'il y ait des indigents, ni des profiteurs, mais qui est seulement des vrais croyants animés de l'amour chrétien. Les alana bazangi tete ba oyo ba kosangola ka bobele libula kasi. Les alana batu oyo bazana bolingo penza kosala ba Kristo solo. Et qui est même pas des escrocs. Ni di bazala na katiti. Eh, les songi pona ba bola, pona ba orphelin. Boka ne sa ba orphelin. Azimbongo. Ali, dès que vous pêchez, vino bese ba orphelin. Yé mo ne orphelin ali bosu. Alors que tata ne maman ne atani. Des choses comme ça au nom de l'église. Parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Hein? À micro, hein? Oui, il va dans les hôpitaux, orphelin. Il va faire des bruits et vous lui donnez. Il va vous donner un autre handicap. De comment il a partagé. Et vous aussi, oui, il va orphelin. Okay. Le premier orphelin, c'est lui. Dont le père et la mère sont en vie. Frère, on ne peut pas être naïf à ce point-là. Si vous manquez à faire, venez à l'église. Que Dieu vous apprenne, là à l'hôtel, que devez-vous faire? Oh. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils les déposaient aux pieds des apôtres. Amen. À l'église, au service divin. Amen. Pas dans les rues, les marchés publics. À l'église, dans la maison de Dieu. Et là, vous aurez droit à un compte rendu. Pour les biens que vous faites à cause de l'évangile. Et c'est correct comme ça. Dieu est merveilleux. Il nous montre comment procéder. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bongo bakabola ki yango na moto na moto lokola ezalaki na ye na bosenga. Ce n'est pas que tu n'as pas vraiment ce besoin, tu veux profiter seulement l'église. Ah! Et nous connaissons la paix pas inangaye. na moni mwa pine mwa traiter za wana e fana na ndako bonjour mwa ta kriso ke yinateka. Est-ce que tu as besoin d'un plein de tracteur? Tu n'as d'abord même pas un tracteur chez toi. Au moins tu venais hier, va déposer moi là, on va faire les longs. Non, tu n'as pas ce besoin. Laisse celui qui a les tracteurs en panne prendre les pneus. Allez mettre dans son tracteur. Kika oyo, azali na mutuka oya ko timbola na ngoma bele, soki azali na mwa kokoso, azua pneu yango akenda uche. Donc vous voyez que dans l'église, il n'y avait pas de place à la jalousie. Oh, à mon niveau, on voit tes mes bannés. Oh, nani, kaka yenda pesa kamingi. Ok, nani, kuna. Et salio, toi aussi viens donner. Amen. Tu ne peux pas commencer à voir quand quelqu'un donne. Mais ce sont les bénédictions qu'il arrache. Ils allaient même pas pour moi, j'ai un robot. Yo, qu'on fasse comme un lâche et tu n'auras pas grand chose. Yo, vendi, pour venir, pour se répéter. Frère. Andeko. Écoutez ce que la Bible dit. Mais au Bible, c'est quoi? Ici, dans les Proverbes. Ah, on a massé ça. Chapitre 11. Verset 24. Oh, on peut les lire à haute voix. Proverbe 11, 24. Allons-y. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Êtes-vous là? Amen. Oh, miséricorde. Réalisez ça. Amen. Il y a un tel qui donne avec libéralité. Amen. Avec joie. Avec plaisir. Avec bonheur de donner. Il a fait ça. Quand il y a une occasion de donner, il va donner. Et celui-là deviendra plus riche. C'est la parole de vérité. Mais il y a un autre qui lui, manzaka wana, on dirait, na yebite suki, ba façon na wapi. A fina kawa kufina, kufina, ki no mongue bandiko pasuwa yena nako. Et son moisir, et son pornako pour la maïbe au kabate. Il ne fait que s'appauvrir. Amen. Mais un autre aime donner donne chaque fois qu'il y a l'occasion. Monsieur sa pesa kaso kinzele. Le kinoa dis, a pesa ta la te. Hein? Après ça, il faut donner, il donne. Et en faisant ça, en agissant comme ça, il devient plus riche. Amen. Et Dieu va toujours faire en sorte qu'il ait de quoi donner. Amen. Moi qui fais toute une gymnastique à raisonner. Il n'a pas ça combien? Ah, j'ai 20 dollars. Il faut appeler ça 200 francs. Ah mais 200 francs, oh yo. Ceux qui n'ont pas une gouba, ils collent ça va les balayer. Mais d'après ça, c'est 50 francs. Parce que après tout, 50 francs, tu prends, tu vas donner 50 francs. C'est 20 dollars que Dieu t'a donné. Dieu te donne 40 000, toi tu vas lui donner 50 francs. C'est quoi le lobby à combien? Nous avons besoin de combien? T'as la qualité de la gymnastique au sali, qui nous toca avant de dégager la conclusion à 50 francs. Mais là, Dieu va te donner combien après? Au moins, mon bobo là? C'est toi-même qui te mets dans un cachot. Tu vas t'appauvrir. Mais il y a un tel qui donne avec libéralité. Il y a paix satalaté. A raison à gâter. Pour qu'à ce qu'on pèse, à paix. Et des fois, il peut se retrouver affamé. Oh mon Dieu, mais Dieu pourvoira. Dieu va penser aussi à lui. De la même manière que lui aime penser à Dieu, il aime penser aux autres. Mais notre Dieu, côté, il faut épargner dans notre temps. Ok, vous êtes en banque ou en banque. Bon, bah, ouais. Frère, tel, yo, pour m'en aller, oui, oui, lobby frère, on a confié. Sans trace. Oui, on a banque ou en quoi il faillite. Aussi, mi moutou. Ah, mais mon qui vraiment, je ne comprends pas. Oui, tu n'as jamais compris. Oui, on comprend très bien, hein, dans des ans. Mais on comprend. Il faut apprendre à donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte chapitre 20, verset 35. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Et dans 2 Corinthiens 9, la Bible dit que Dieu vous multipliera ses grâces, afin que vous ayez toujours de quoi donner. Afin que vous ayez toujours de quoi Dieu vous multipliera ses faveurs. Car lui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et alors que chacun donne sans tristesse, ni contrainte. Dès qu'on atteint le verset 7. Que chacun donne sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu as dit amen. Et nos frères de la Pentecôte, nos pères de la Pentecôte, vivez ça. Ils sont les bénédictions de Dieu. Et les frères de Macédoine, dans les Corinthiens 8 là, ils ont pu grâce à ça donner même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné même au-delà de ce qu'ils possédaient. Pourquoi? Ils servaient Dieu créateur. Ils pouvaient créer des moyens et leur réserver des surprises nouvelles, les rendre capables de donner même là où Amen n'avait rien. Dieu d'Abraham est le même Dieu. Abraham était déterminé à donner un sacrifice pour obéir à l'ordre de Dieu. Il est arrivé là-bas, le sacrifice c'était son fils. Il devait donner son propre fils alors qu'il était les promesses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé un bélier. Au lieu qu'il épouse son fils, Dieu a créé pour permettre à Abraham de donner ce qu'il voulait donner. Est-ce que tu sers le même Dieu? Est-ce qu'il est identifié par les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'il peut refaire les mêmes choses encore? Dieu d'Abraham. Que ton cœur soit sincère. Que ton cœur donne avec joie. Aime les libéralités. La Bible le dit dans Hébreux 13. N'oubliez pas les libéralités et la bienfaisance, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oh mes chers amis. Voyez-vous le travail que Dieu a fait là? C'est spirituel. L'église a dû prier d'un seul cœur. Et ensuite, l'écriture témoigne que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme. Il n'était qu'un cœur. Après qu'ils aient prié comme un seul homme, ils ont élevé la voix à Dieu comme un seul homme. Imaginez, tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, ils se mettent à prier et ils se mettent à prononcer exactement les mêmes paroles au même moment. C'était l'église priant d'un seul cœur. C'est que nous avons lu ici dans Actes 4, verset 23 à 32. Mais la prière elle-même, elle s'arrête là au verset 31. Parce que le verset 32 montre la réponse à leur prière. Quand l'église est réunie d'un seul cœur, Dieu peut faire des choses. Reprenons le répète plusieurs fois. Que nous soyons réunis d'un seul cœur. Et d'un commun accord. C'est alors que des choses se feront. Que des choses se produiront. Que Dieu nous utilisera. Si Dieu peut nous ramener là. Église du Seigneur. Oh, église en colon. Et tu n'as que tes frères ici, tes soeurs ici. Oh, vous allez bobé la bande de immédiat. Que tu dois former un seul cœur. Une même âme. Alors que ici. Parce que ceux dont on témoigne, c'était l'assemblée de Jérusalem. Ouais, l'église du Seigneur. Peut-être l'assemblée de Salomon. Mais formons un seul cœur. Avec le Seigneur a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Peut-être que l'on a signé le mètre, ça finit balé. Forme un commun accord. Pour demander quelque chose au Père Céleste, il va la leur donner. Et ça t'a copé sa bambou. Voyez-vous la promesse? Et là, l'église, aussi nombreux qu'ils étaient, ils se sont accordés. Et que les attaques, le Saint-Esprit est passé en action. Ils ont prié comme jamais auparavant. Prononçant les mêmes mots au même moment. Regardez ce que dit Frère Branham. Dans les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954. Paragraphe 97 et 99. Et pour un peu plus loin. Et voyez la prière que ces gens ont offerte. Ces gens-là. Nos pères de la Pentecôte. Nos frères et sœurs de cet âge. Les commencements de l'église. Voyez la prière que ces gens ont offerte. Et ils ont dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et se faire penser parmi les peuples. Vraiment Seigneur. Il ton fils Jésus et donne à tes serviteurs. Bon. Il a escamoté ça, il a. Wana... Voilà. Quand ils ont prié, d'accord. Ils ont dit, donne à tes serviteurs de d'apporter la parole de Dieu avec une pleine assurance. Et en étendant la main de ton fils, Jésus, pour guérir les malades. Et puis, amen. Et... que Dieu nous vienne en aide. Pour avoir une réunion de prière comme celle-là. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. L'église de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez que sans son aide, on ne peut pas réaliser ça. Ce qui a soumis, prêcher, prêcher là-dessus autant de fois. Ça ne se fera pas. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir un seul travail au-dedans. Que Dieu nous vienne en aide. Pour avoir une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils eurent prié, la salle où ils étaient assemblés trembla. Un signe. Que Dieu est au contrôle. Des cieux et de la terre. S'il contrôle les cieux et la terre, ça n'est plus des hommes de la terre. Des créatures du ciel. Ne craignez rien de tout cela. Votre Dieu que vous invoquez sincèrement, contrôle tout. Que Dieu nous vienne en aide. Pour avoir une réunion de prière comme cela. Et quand ils furent priés, la salle où ils s'étaient assemblés, voilà ce dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui sont d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Qui vous dit ça? C'est l'homme qui est loin de l'esprit et la puissance. Pour revenir le cœur des enfants à leur père apostolique. Et croire que nous réunirons. Nous avons besoin de ça. De voir Dieu en scène dans l'immédiat. En live. En live. Nous avons, voilà ce dont nous avons besoin ce soir. Oh là là. Oh là là. Ce soir, c'est des hommes et des femmes qui sont d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Comme eux étaient. Ils n'ont pas fait cas de ceci et de cela et d'autres choses. Mais vous êtes perdus en Jésus-Christ. Ils n'ont pas perdu de la perdition de l'âme. Mais être englouti en Jésus-Christ. Vous oubliant vous-même. Laissant l'esprit vous aime. À tel point que tout ce qui est de vous-même soit écarté. Et alors, ton frère est dedans, plus plongé, la croyance, chacun d'eux perdu en Jésus-Christ, lui-même soit caché en Christ et sa vie cachée en Christ, ses besoins cachés en Christ, tout ce qu'il veut c'est Christ glorifié. Par lui tout ce qu'il voudra. Et les prodiges ne manqueront pas. Les signes ne manqueront pas. Les miracles authentiques. Parce que vous êtes sincère et honnête avec Dieu. Il dit. Mon espoir ne repose que sur le sang et la justice de Jésus. Que le sang se lève demain, qu'il ne se lève pas. Nous nous lions par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de marcher sur les empreintes de ses pas, quel qu'en soit le prix. Que le soleil se lève demain. Moi, ou qui ne se lève pas du tout. Là n'est pas mon souci. Nous, en tant que chrétiens, rachetés par sa grâce, nous lions ensemble par le serment de servir le Seigneur Jésus et de marcher sur les empreintes de ses pas, quel qu'en soit le prix. Advienne que pour eux, nous les servirons, nous marcherons sur ces traces. Voulez-vous? Serez-vous d'accord avec ce serment? Et cela nous lie entre nous ici, servir Jésus-Christ. Non pas venir faire des histoires aux sœurs. Allez aborder les sœurs. Oh, je sais que dans notre église, ce n'est pas comme ça. Mais sœurs, tu vois, les procédures chez le pasteur là-bas, c'est long. Je veux déjà voir ta position. Mon yibi. Non, mon yibi. Soyez corrects. Marchons sur les traces de la parole. Amen. Pratiquons l'évangile qui nous a enseigné. Écoutez. Yoka. Il dit. Alobi. Alors, vous verrez une église en marche. Amen. Il est dit, il y a des saluts en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Si nous nous lions par le serment comme ça, c'est comme si nous voulions de servir Jésus-Christ et de marcher sur ses traces, quel qu'en soit le prix. Alors vous verrez une église en marche. Vous verrez alors une église en marche. Parce que tous sont d'un commun accord. Ils sont déterminés à servir le Seigneur Jésus et à marcher chacun sur ses traces. Mais laisse que cette église se lève parmi nous, qu'elle soit en marche par la grâce de Dieu. Dans le sermon qui est donné plus tard en 1965 le 22 août, parce que je lis, c'était en 1954 le 19 décembre. Maintenant, plus tard, l'année de la mort de William Branham, le 22 août 1965, il a prêché un sermon intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Et avant de quitter cette terre, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Au paragraphe 16. Alors que le jour approche de plus en plus, et que le sentier devient toujours plus étroit, Nous voulons nous unir toujours plus. Amen. Toi aussi, tu as ce désir. Mais s'il y en a parmi nous qui n'ont pas ce désir, voilà les gens qui brisent notre accord. Ce qui va se passer, c'est que je suis un peu faible. Après, l'objet de Jésus va problème. Alors que nous devions avancer. Nous voulons nous unir toujours plus. Pendant que les jours approchent de plus en plus, et que le sentier devient de toujours plus étroit, c'est-à-dire que des fois 5 n'arrangez mon go 5 messieurs sous ciment, mais plus vous avancez, vous allez au final année. Moyen votre monsieur 5 exacté beaucoup mis 4 à un moment 3 à un moment 2 à un moment on est au Tigali au Moko. La route ne fait que se resserrer et les jours ne fait qu'approcher de plus en plus. Alors ceux avec qui vous sembliez être liés hier, vous étiez à 5 marchant ou pas, mais des années plus tard vous vous trouvez à 2. Ne regarde pas derrière. La femme de l'autre regardant derrière, elle a rétrogradé, elle est devenue un bloc de sel. Regarde des fois où Jésus t'appelle. Là où Jésus t'attend. Quel que soit le prix. Lise-toi par serment. Et de marcher sur cette race. Il y a quelqu'un qui ne veut plus marcher sur cette race. Laisse-le exercer sa liberté. Mais toi, va servir le royaume de Dieu. Persévère. La patience chrétienne paye. N'oublie pas ça. Ne regarde pas trop autour de toi jusqu'à demain. La route se resserre de plus en plus. Plus les jours approchent, plus le chemin devient plus étroit. Quand les bandes aussi portent une douce, bon temps pour les sikamokos. Frère, frère, frère. Mais à un moment, ce n'est plus douce. Mais quand vous avez juste voyé trois, vous allez pas quoi. Moyen, bon temps, les gens, c'est parce que vous allez vous bousculer et personne ne sera plus bougé. La route devient trop petite pour supporter trois personnes. C'est ça la marche avec Dieu. Mais toi, tu dois connaître le serment de ton cœur. Quel est l'engagement sacré de ta vie? Ne suis pas les distractions de ceux qui veulent te distraire. Résous-toi de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et de marcher sur cette grâce. Quel qu'en soit le prix. Nous devons être un seul corps. Nous devons nous déplacer ensemble. Oubliant les péchés l'un de l'autre. N'arrête pas sur le péché de l'autre pour te scandaliser et ne plus avancer. Non. Oubliant les péchés l'un de l'autre. Et ainsi que nos différences. Ne laisse pas le diable utiliser le péché de quelqu'un d'autre pour te distraire et arrêter ta marche. Ne lui permet pas. Oubliez ça. Regardez ce que fait Paul. Serre le Seigneur Jésus. Marche sur ses dresses à lui. Quel que soit le prix. Ayant l'esprit de prière. L'amour de frère. La persévérance comme un emblème. Il dit, nous rapprochons toujours plus. Alors que nous voyons les jours s'approcher. Nous réunissons d'un seul accord. Et d'un seul cœur. Et si un frère ou une sœur s'écarte du chemin. D'une façon ou d'une autre, ne faites rien si ce n'est que de prier pour cette personne. Et dans l'amour, ayez toujours des égards les uns pour les autres. Ayez des égards. Nous aimions Bongo. Et si un frère ou une soeur s'écarte du chemin, so d'une façon ou d'une autre, ne faites rien si ce n'est de prier pour lui. Et dans l'amour, il y a toujours des égards les uns pour les autres. Ne laissez jamais l'un de vous s'égarer. Restez ensemble. Et si vous le pouvez, ajoutez-y toujours plus. Constamment et tout le temps, ajoutez toujours plus à cette unité. Ajoutez toujours plus. C'est lui que vous pouvez ramener à cette unité. Mais ne laissez pas quelqu'un s'égarer et que vous devenez complètement indifférent. C'est lui qui s'égare, priez pour lui. Et attention, que le diable ne dise pas ses péchés pour arrêter ton progrès à toi. Ne permets pas que vigilant. La victoire est individuelle. Il aura dit que celui qui vaincra, celui qui héritera les choses que Dieu a fait. Celui qui vaincra, c'est individuel. Individuel. Plusieurs lui disent Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père, c'est celui-là qui entrera. Vous avez dit Amen? Vous croyez de tout votre cœur? Alors que Dieu bénisse ces filles dans nos âmes. Levons-nous pour la prière. Oh Dieu miséricordieux, qu'il nous vienne en aide. Crois seulement numéro 91. C'est ce que je pense qu'on chante. Cantique Crois seulement, numéro 91 ou 91. Ok. Mon Seigneur, je marche dans la lumière. J'irai jusqu'au bout. Mon Seigneur, je marche dans la lumière. Yeah. doit être prise de dire non à toutes distractions, de jamais donner accès à Satan, ne pas lui donner les occasions de se mais fermer tous les accès, contrôler toutes les portes, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, le chef qui travaille au-dedans de nous et produit des résultats matériels dans les domaines physiques, des miracles et des choses visibles. Confions-lui nos cœurs. Amen. Appelons-les au secours. Il le peut faire beaucoup. Amen. Prions chacun maintenant. Je suis contemplé sa face. Je suis contemplé sa face. Et chanter pour toujours sa grâce qui s'avait dans le redemploir. Élever ma voix pour mes soucis, sans passé, joie sans fin au ciel. Moi je désire, je désire le voir contempler sa face. Bien-aimé, notre Père Céleste, reçois nos prières au nom de Jésus-Christ. Façonne-nous dedans pour faire de nous cette église unie. Un seul cœur, une même âme, un commun accord, priant d'un seul cœur. Nous ne demandons pas une chose impossible ici. Car tu l'as déjà fait. C'est écrit clairement dans ta parole. Tu l'avais fait dans l'église primitive. Ce n'est pas une chose impossible. Mais c'est tellement possible. Par toi Dieu qui ramène le passé. On a dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est, a déjà été. Dieu ramène le passé. Père. Exauce la prière de chacun. Exauce les prières de nous tous. Façonne-nous dedans. Au plan spirituel. Pour que la reproduction des actes des apôtres ne résulte ni d'un forcing, ni d'une contrainte, ni d'une fabrication manuelle, mais que ce soit l'œuvre de Dieu seul, amenant l'église à la force unie, confirmant qu'il revient bientôt, et que l'église doit être un seul corps. Père, Tata, aide mon frère faible. Aide ma soeur faible. Que tous nous puissions nous lier par serment. À servir le Seigneur Jésus-Christ. Et à marcher totalement sous ses traces. Quel qu'en soit le prix. Ceux qui prennent cet engagement. Ce soir même. Obtiennent ton secours. Ouvre nos cœurs et nos mains. Pour nous apprendre à donner avec joie. Quand il s'agit de faire le bien. Quand il s'agit de soutenir le royaume de Dieu. De faire ce qui est juste. Que chacun le fasse avec joie. C'est pour hériter une pleine bénédiction. Dieu Tout-Puissant. Viens au secours de chacun. Chaque frère, toute l'église. Reste avec nous. Perfectionne ton œuvre. Perfectionne notre foi. Alors qu'elle regarde à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'appelons sur la scène. De nos cœurs et de notre église. De nos maisons et partout. Seigneur, sois avec nous tout le temps. Et apprends-nous ce qu'il faut faire. Conduis-nous à la bonne chose à faire. Ne nous laisse pas défaillir sans cesse. Laisse-nous avancer sans cesse. Et que le diable ne nous distraye en rien, même pas les péchés de nos frères, et que nous soyons objectifs, déterminés à avancer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.